Chapitre 9e. Sous la voûte qui conduisait sous la salle basse à la petite cour, il y avait un des trois barils de poudre qui devait faire sauter le château si les assiégeants eussent refusé les conditions posées par le comte. Les deux autres se trouvaient dans les caves. « Cherchez une bonne corde, » ordonna M. de Mahardy, qui se dirigea vers un puits placé au milieu de la cour. À l'exception du majordome et de Grain de Sel, tous les défenseurs de Mahardy regardèrent curieusement leur jeune maître. Le puits qu'ils avaient sous les yeux était profond et les eaux de l'étang l'alimentaient. Une poulie armée de deux seaux servait à puiser cette eau, qui, s'il était saumâtre et peu potable, était bonne cependant pour le pansage des chevaux. Mathurin se pencha le premier après le comte sur le bord du puits, qui avait une rampe en maçonnerie, et il poussa un cri de surprise. « Tiens, dit-il, il n'y a plus d'eau. » En effet, on voyait le fond du puits. « C'est moi qui l'ai séché, » dit Grain de Sel. « Fallait-il pas que je puisse entrer ? Les bleus ne permettaient pas qu'on vînt par la porte. » Les Vendéens regardaient tour à tour le comte et Grain de Sel qui souriaient, et nul ne comprenait comment le jeune gars avait pu venir par le fond du puits, lequel, une heure auparavant, était plein d'eau. « Tu es donc sorcier, que tu sèches les puits, Grain de Sel ?» demanda Mathurin. « Peut-être bien, » répondit le gars. Le comte fit détacher un des seaux et montra du doigt un large baquet, assez grand pour qu'un homme s'y pût asseoir comme dans une nacelle. D'après son ordre, on attacha le baquet à la corde en place du seau. Puis il dit à Grain de Sel, « Descends le premier. » Le gars sauta dans le baquet. « J'ai de la chance, » murmura-t-il, « et je m'en irai plus facilement que je ne suis venu. Il m'a fallu grimper après la corde. » Le baquet descendit jusqu'au fond du puits. Alors Grain de Sel, qui s'était accroupi dedans, se leva, enjamba par-dessus le bord, et ceux qui l'avaient descendu le virent disparaître et s'évanouir comme un fantôme. Le gars venait de s'enfoncer dans une brèche pratiquée au ras du sol dans la maçonnerie du puits. Cette brèche était invisible et couverte par l'eau en temps ordinaire. Le baquet remonta puis redescendit. Il contenait le baril de poudre, les fusils, les bissacs des trois compagnons d'Hector et une petite valise qui renfermait quelques vêtements pour ce dernier. Il y avait en outre de grandes torches de résine qui devaient sans doute éclairer la marche des fugitifs à travers le mystérieux souterrain dans lequel Grain de Sel pénétrait le premier. Grain de Sel prit le baril, les divers ustensiles que renfermait encore le baquet, et ceux qui étaient en haut du puits les virent disparaître. Mathurin et son frère Imon descendirent ensuite l'un après l'autre. Puis ce fut le tour de Pomic. Enfin le comte serra les mains de ses derniers soldats et s'aventura à son tour dans le baquet. 5 minutes après, l'or reparut dans le puits et ne resta plus aucune trace de l'évasion du comte. C'était à crier au miracle. Le majordome dit fort tranquillement « Les bleus peuvent venir maintenant, monsieur le comte est sauvé. » Le phénomène qui venait de se produire aux yeux ébahis des Vendéens était cependant facile à expliquer. Le puits de la petite cour avait été creusé au Moyen-Âge par un chevalier de Mahardy qui guerroyait dans le bocage contre les Anglais. Deux ouvriers qui le creusaient, espérant trouver le niveau de l'étang et par conséquent n'avoir plus qu'un conduit à percer dans le sens latéral, furent très étonnés, arrivés à une certaine profondeur, de mettre à découvert une sorte d'excavation naturelle qui semblait se prolonger sous le château dans une direction opposée à l'étang. Ils remontèrent et firent part de leur découverte au chevalier. Le sire de Mahardy d'alors descendit dans le puits, s'arma d'une poche, et suivi par les deux ouvriers, il s'aventura bravement dans l'excavation. Étroite et permettant à peine à un homme de passer en se courbant, la voie souterraine s'élargissait bientôt, et tout à coup le chevalier fut ébloui par des myriades d'étincelles que la lueur de sa torche arrachait à des stalactites qui en tapissaient les parois. Il se trouvait dans une de ces grottes souterraines qui presque toutes correspondent par une de leurs issues avec des étangs ou des rivières. Celle-là communiquait avec l'étang au bord duquel les Mahardy avaient bâti leur donjon. Le chevalier explora la grotte, dont la voûte inégale s'abaissait ou s'élevait tour à tour, s'élargissait et prenait des proportions de cathédrale, ou se rapetissait à l'infini, et ne laissait plus que la place nécessaire à un homme pour passer en rampant sur le ventre et sur les mains. Il chemina longtemps ainsi, suivi par les deux ouvriers, et au bout d'une heure, il finit par découvrir l'issue de la route souterraine. C'était un petit trou de la dimension d'un terrier à renard, par lequel filtrait un rayon de jour. Le chevalier fit élargir ce trou à coups de bêche et se trouva tout à coup au milieu d'un épais fourré de broussailles, dans les bois qui s'étendent entre Mahardy et Belle Ombre. Alors il revint sur ses pas et remonta par le puits nouvellement creusé dans la cour de son manoir. Après quoi, il manda trois autres ouvriers maçons et leur fit jurer à tous les cinq sur l'évangile qu'ils emporteraient ce secret dans la tombe. Sous la direction du chevalier, les ouvriers rétrécirent le puits en même temps qu'ils construisaient une sorte de galerie intérieure dans la maçonnerie. Cette galerie était destinée à mettre en communication, à l'aide d'un escalier d'une dizaine de marches, le fond du puits et l'extrémité du souterrain, laquelle avait un niveau supérieur d'environ 8 pieds, de telle sorte que la brèche et une portion de l'escalier devaient être envahies par l'eau quand le conduit de l'étang serait percé. Tout cela fut très habilement fait. Puis on construisit 2 conduits au lieu d'un, et ces 2 conduits furent garnis d'un robinet qui correspondait avec la galerie. En ouvrant un de ces robinets, on emplissait le puits. En ouvrant le second et fermant le premier, on le vidait, et le passage se trouvait libre de la grotte au puits. Les ouvriers du chevalier gardèrent le secret. Ce secret se transmit avec les plus grandes précautions, de génération en génération, chez les Mahardy. Aux grandes époques guerrières ou révolutionnaires, le puits du chevalier servit plus d'une fois à sauver les assiégés en leur permettant de fuir ou de se ravitailler. Pendant les dernières guerres de Vendée, en 1792 et 98, le puits avait rendu d'immenses services aux troupes royalistes. À cette époque, on remplaça les robinets par une pompe. Les robinets avaient cet inconvénient qu'ils ne pouvaient fonctionner que lorsque les eaux de l'étang étaient basses. La soupape put vider ou remplir le puits en tout temps, et un ouvrier habile la dissimula si bien qu'il fallait soit du côté de la galerie, soit du côté du puits, en connaître l'existence pour la trouver. Or, lorsque la dernière insurrection vendéenne éclata, il n'y avait plus dans tout le pays et sans doute au monde que 3 personnes qui connaissaient le secret. La première était le comte de Mahardy, la seconde son fils Hector, la troisième le vieux majordome. 15 jours avant les événements que nous venons de raconter, le comte Hector de Mahardy, qui commençait à prévoir l'issue de la guerre vendéenne, le comte, disons-nous, avait initié grain de sel à ce mystère. « Je puis être assiégé dans Mahardy, lui dit-il, dans l'impossibilité de voir Diane et de recevoir de ses nouvelles. Il faut pourtant que tu puisses m'en apporter. » Et le comte, une nuit, avait conduit grain de sel dans les grottes et lui avait expliqué le mécanisme de la soupape. Or donc, ce jour-là, lorsque grain de sel comprit que le château était assiégé et que par conséquent il lui serait impossible de pénétrer un Mahardy sans tomber au milieu des bleus, le jeune gars rebroussa chemin, gagna la bauche ferme, se glissa dans les broussailles et disparut par cette étroite crevasse qui n'avait jamais été découverte par des chasseurs et que tous avaient prise pour un trou à renard. Lorsque Grain de sel était arrivé dans le puits après l'avoir vidé, tous les hommes qui défendaient le château, abrités derrière les croisées, les créneaux, couchés sous la charpente des toits, barricadés dans les corridors, avaient bien autre chose à faire qu'à se promener dans la cour intérieure. Le gars était donc arrivé au plus fort de la fusillade, et nul n'avait pris garde à lui. Puis, quand on l'avait remarqué pendant que l'on parlementait, il dit simplement qu'il était bon nageur et avait passé l'étang en nageant entre 2 eaux. Ce fut donc par le puits que le comte de Mahardy et ses 4 compagnons quittèrent le château. Lorsqu'on ouvrit les portes aux bleus, on fouilla partout et on ne trouva rien. Les caves furent parcourues, les murs sondés, les planchers fondrés çà et là. Mais personne n'eut l'idée de regarder dans le puits. Le sourire calme du majordome avait du reste complètement rassuré le jeune officier de hussard, Charles Aubin, et lorsqu'il était revenu à Belle Ombre en disant « Le comte est sauvé », il en avait la conviction. Le colonel prit possession du château, expédia une estafette à Poitiers et attendit des ordres. Diane attendait toujours le retour de Grain de sel. La soirée s'avançait, le gars ne paraissait pas. Cependant, vers 10 heures, le houloulement de grain de sel se fit entendre. Diane tressaillit et ouvrit sa croisée. Le gars recommença bientôt son cri d'oiseau nocturne, et il sembla à la baronne qu'il avait une intonation joyeuse. Alors la jeune femme eut un violent battement de cœur. Elle craignit un moment que le comte n'eût eu l'audace de suivre grain de sel. Mais bientôt l'enfant parut. Il était seul et souriait avec la fierté d'un triomphateur. « Sauvé ! » dit-il. Par le bas, murmura Diane, par le bas, enfant, où est-il ? Dans la grotte. Et Grain de Sel raconta sur le champ l'évasion d'Hector. Le comte était demeuré dans la grotte avec ses trois compagnons. Ils avaient allumé du feu et avaient des vivres pour 3 jours. Hector avait écrit à Diane sur son genou. Sa lettre était courte. « Mon ange aimé, disait-il, nous avons lutté jusqu'au dernier moment. Mais il est venu une heure où la résistance devenait de la folie, une folie sans but. J'ai eu pitié des hommes qui m'entouraient, et j'ai songé à toi. J'ai capitulé. Mais sois tranquille, les bleus ne mourront point. Si la fatalité voulait qu'ils découvrissent ma retraite, je leur échapperai encore, et je les ensevelirai avec moi sous les décombres de la grotte, dans laquelle j'ai transporté un baril de poudre. Diane, ma bien-aimée, l'heure du sacrifice a sonné pour toi. Je suis proscrit. En France, c'est la mort, et je ne veux pas mourir. À l'étranger, sans toi, c'est la mort aussi, me comprends-tu ? Réfléchis. J'attends. Ton Hector. » Diane, en lisant cette lettre, comprit que le comte avait raison et que l'heure du sacrifice était venue. Mais ce sacrifice était léger, maintenant que M. de Morfontaine avait pardonné. La baronne n'hésita point une minute. Elle jeta un châle sur ses épaules, et cette lettre à la main, elle descendit chez son père. Le général avait quitté le salon, il y avait un quart d'heure à peine, en souhaitant le bonsoir à ses hôtes. Diane le trouva au coin du feu, les pieds sous les chenets, enveloppé dans sa robe de chambre et lisant un vieux traité de vénerie. À la vue de sa fille, le général se leva tout étonné, tant il s'attendait peu à une visite d'elle à cette heure avancée. Diane ferma la porte, vint au général d'un pas lent, et se mit à genoux devant lui. « Que fais-tu, mon enfant ? » s'écria M. de Morfontaine, qui voulut la relever, mais Diane demeura à genoux. « Mon père, dit-elle, je ne me relèverai que lorsque vous m'aurez pardonné. Pardonné » »« Pardonné ? » exclama le général abasourdi. « Pardonné ? Que veux-tu donc que je te pardonne à toi, mon enfant, ma fille, à toi, l'appui et la joie de ma vieillesse, à toi, pour qui je demande chaque jour à Dieu de m'accorder de longues années encore. Mon père, je vous ai désobéi. Toi, je vous ai trompé. Toi, toi, vous m'aviez donné un époux que mon cœur n'avait pas choisi, et cet époux, je l'acceptais parce que vous me le donniez, mon père, et je lui étais fidèle, et je me suis efforcé de l'aimer. « Et c'est ce que tu appelles m'avoir trompé, enfant ? » s'écria le général. « Attendez, mon père. Cet époux mort, mon cœur s'est senti de nouveau entraîné vers l'homme que j'aimais, et cet homme, que je n'osais vous nommer, à qui j'appartiens, cet homme. » Le général éprouva en ce moment un de ces pressentiments bizarres, inexplicables, qui s'emparent quelquefois de l'esprit humain. « Son nom ? » demanda-t-il, pris d'une émotion violente et subite. « Quel qu'il soit, je te pardonne, mon enfant, et puisque tu l'aimes. »« Oh oui !» fit Diane, qui posa la main sur son cœur. « Il sera ton époux, je te le jure !» acheva le général. Diane se releva et dit. « Mon père, l'homme que j'aime, l'homme qui est déjà mon époux devant Dieu, l'homme à qui j'ai juré de porter son nom un jour, est un malheureux proscrit, que je viens vous supplier de sauver. « Son nom, son nom !» insista le marquis d'une voix tremblante et pleine d'angoisse. « C'est le comte Hector de Mainhardy, » ajouta Diane avec fermeté. Le général étouffa un cri, porta la main à son front et chancela. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Est-ce donc ainsi que finissent toutes ces vieilles haines qui traversent impunément les siècles ?» Diane, les mains jointes, voulut se remettre aux genoux du général, mais il la prit dans ses bras, la tint longtemps pressée contre son cœur et lui dit enfin « Madame la comtesse de Mainhardy, il faut pourtant aviser un moyen de sauver votre époux. » 2 heures plus tard, Diane écrivait à Hector cette lettre que Grain de Sel devait lui porter le lendemain. « Cher époux, oh, je puis te donner ce nom maintenant, car mon père sait tout, et il a pardonné. Et il t'appellera son fils, comme il m'a déjà nommé tout à l'heure Madame la comtesse de Mainhardy. Il a déjà médité un plan de fuite pour nous et pour lui. Je veux que vous soyez prudent et raisonnable, mon cher époux, que vous demeuriez caché dans le trou du renard jusqu'à ce que Grain de Sel aille vous chercher. Ce jour-là, les hussards auront quitté Belle-Ombre et le pays sera libre. Un soir, demain peut-être, une lumière brillera en haut du château, à la fenêtre de la mairie bonne, et ce sera pour toi le chemin de la délivrance. Mon père a déjà songé à préparer une chaise de poste qui t'attendra à la lisière du bois. Vous serez obligé, mon cher comte, de prendre un déguisement. Une livrée de balai, mais qu'importe. Nous traverserons le bocage en une nuit. Nous arriverons à Rochefort, et là, c'est le salut, car il y a toujours des navires anglais en partance. Adieu, cher époux du ciel, au revoir plutôt. Je m'agenouille et je prie pour toi. Diane. Grain de sel, debout derrière le fauteuil de Diane, avait attendu silencieusement qu'elle eût terminé sa lettre. Quand elle l'eut pliée et cachetée, le gars s'en saisit. « Hourra ! » dit-il. « Vive le comte de Mardi ! Vive le roi !» Et l'enjamba la croisée, se laissa glisser derrière le cep de vigne et disparut dans la nuit.